Eisenhausen, Kosmika. Cosmos tisse un réseau de constellations fines, chaque éclat un souffle des destins qui s'alignent. Ta vue, fenêtre ouverte sur l'âme du monde, ton regard éclatant où l'infini abonde. Firmament emballé, aile de lumière, pulsation lointaine, mystère de la sphère. Te voir, c'est voyager au-delà de l'être. Dans tes yeux, l'océan, secret apparaître. Voûte céleste, lit en lien invisible. Sentiments écrivent dans le ciel indicible. Ta forme, un prisme pur, divinité reflétée. Dans ton âme, le reflet de l'éternité complète. Voir en toi, c'est voir l'âme dans le miroir des cieux. Univers proclamé dans le brillant de tes yeux. Ah. Atomes en accord, danse la symphonie. Le cosmos joue la vie en harmonie infinie. Ton reflet est le mien dans la danse éternelle. En toi, l'écho trouvé de l'unité fraternelle. Fréquence emballée dans l'éther entrelace. Existence et souffle, chacun trouve sa place. Âme en résonance, diapason en espace. Interconnexion révélée dans l'immensité vaste. Le cœur en rythme avec la terre en cadence. Vie en duo sur la scène de l'existence. Une vie pour valser sous la voûte passagère. Chaque geste, un mot dans la lumière claire. Et écoutons l'ancienne chanson, sagesse des âges. Lien infini du petit ou grand rivage. Dans le livre céleste, chaque histoire inscrit nos récits étoilés dans les astres s'unissent. Ouais. Namasté. Résonance du cosmos.